Oh Marie-Lou, petite gueuse, chanteuse de mes rêves. Oh Malou, oh Malou, oh Marie-Lou, si tu branches, je te tords le cou. Oh Malou, oh Malou, oh Marie-Lou, tiens-toi à carreau, la vie est brève. Oh Malou, oh Malou, oh Marie-Lou, un faux pas et te voilà au trou. Et ma sève. Oh Malou, oh Malou, oh Marie-Lou, c'est pour toi et un point, c'est tout. J'aime tes deux seins, tes yeux et ta fève. Oh Malou, oh Malou, oh Marie-Lou, fais gaffe où je te rentre dans le chou. Thank you.